et détendu. Pas de téléphone fax, pas de malentendu. Sur le dessus du lit, je suis à ta merci. Et si les trop petits glissons sur le tapis, pépère, tellement pépère, pas pressé d'arriver. Se laisser la rivière gentiment déborder. Nager, c'est magnifique, même s'il y a que l'océan qui reste pacifique et pas pour très longtemps. Reste sur moi, que je respire avec toi. Reste sur moi, que je respire avec joie. Tranquille, tellement tranquille, enchaîné, déchaîné, fondu au noir des villes ou au blanc des années. Les souvenirs parfums jamais ne s'évaporent. Nos transports en commun sont de plus en plus forts. Peinard, tellement peinard, que c'est facile à dire, que c'est joli à voir, parler puis pâlir. On aimerait que ça dure, ce petit val qui mousse, comme un coin de verdure, comme une chanson douce. Reste sur moi, que je respire avec toi. Reste sur moi, que je respire avec joie. Couché, tellement couché, si l'on prenait la pause pour la postérité, viens qu'on se superpose. Rester très loin du reste, n'avoir aucune idée. Ce qui compte, c'est le geste auguste de s'aimer. Bateau, mais tellement cool. Nos draps sont nos drapeaux, on est bien dans notre peau. J'ai pas de parapluie pour le temps qui s'écoule. Enfant du paradis, emporté par la houle. Reste sur moi, que je respire avec toi. Reste sur moi, que je respire avec joie. Que je respire avec toi. Reste sur moi, que je respire avec joie. Reste sur moi, que je respire avec toi. Reste sur moi, que je respire avec joie.